Vie de la Vénérable Mère, Marie de Jésus, abbesse du monastère de l'Immaculée Conception de la ville d'Agreda. Introduction. Dieu, qui est admirable dans toutes ses œuvres, l'est surtout dans ses saints, selon l'expression de l'Écriture. Ses œuvres extérieures, en effet, qui frappent nos regards, qui excitent ainsi au degré notre admiration, quand nous les contemplons avec les yeux de la foi, ne sont après tout, quelques merveilles qu'elles renferment, que les œuvres de sa puissance infinie, à laquelle rien ne peut résister, mais l'œuvre de la sainteté de l'homme, qui exige le concours de sa liberté, si sujette aux caprices, si changeante, si prompte à se laisser entraîner par la séduction des passions et des objets qui les flattent, est l'œuvre de Dieu par excellence, parce que sa puissance ne peut en quelque sorte s'y produire qu'avec tempérament, qu'en prenant pour auxiliaire la volonté humaine, qu'elle dispose par la grâce, avec une force mêlée de douceur, à correspondre sans résistance à ses desseins éternels. Saul, ce loup ravissant de la tribu de Benjamin, qui ne respirait contre les premiers disciples de l'homme-dieu que haine et que carnage, est soudainement renversé sur la route de Damas par une puissance invisible. Il se trouve tout à coup enveloppé de lumière, puis une voix résonnant à son oreille lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » L'homme extérieur est foudroyé, mais la liberté de l'homme intérieur reste entière, et cependant la grâce assouplissant la volonté et triomphant de l'orgueil, le loup devient agneau, le persécuteur répond « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et cet ennemi du non-chrétien devient un vase d'élection qui portera le nom de Jésus aux gentils jusqu'aux extrémités du monde. Augustin, ce beau génie que des désordres honteux avaient souillé et obscurci, s'était montré durant de longues années sourd et insensible à la voix de Dieu, qui se faisait entendre dans les conseils et les tendres exhortations de la pieuse Monique sa mère. Il usait, ou plutôt il abusait de son libre arbitre, en se laissant entraîner à la fougue de ses passions désordonnées. Et pourtant la grâce inclinait peu à peu son cœur vers la vertu, ses résistances s'affaiblissaient de jour en jour, quoique d'une manière insensible. Par les prédications de saint Ambroise, la puissance divine atteignit son but sans violence. Un jour, ce cœur fasciné, entravé par les amours profanes, rompit le charme, brisa ses liens, et les flammes ardentes de l'amour céleste le consumèrent sans s'éteindre jamais. Si les triomphes de la grâce sont admirables dans ces hommes réputés forts à raison même de leur sexe, paraissent-ils moins merveilleux dans une Madeleine, dans une Marie égyptienne et dans un si grand nombre d'autres pécheresses? La faiblesse naturelle chez les femmes, leur timidité native, leur passion plus vive, leur plus grande sensibilité de cœur n'opposent-elles pas des obstacles sans nombre, des résistances infinies aux sollicitations de la vertu, à l'action persistante de l'influence divine? L'inexpérience de la vie et l'ignorance ne viennent-elles pas créer encore de nouvelles et puissantes entraves aux déterminations de la volonté humaine vers le bien? L'auréole de la sainteté, bien qu'elle brille plus souvent au front de la femme qu'au front de l'homme, n'est donc pas chez elle le prix de moindres sacrifices, la récompense de moins héroïques efforts. Au contraire, moins elle est armée pour combattre, plus il faut qu'elle déploie de courage et d'énergie pour vaincre, et plus la victoire qu'elle remporte devient glorieuse. Ainsi s'accomplit cette parole de l'Écriture, « Dieu choisit dans le monde ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. » Dieu nous a révélé ce prodige dans la vie de la Vénérable Marie d'Agreda. Cette âme d'élite, trop peu connue de la terre, surtout en France, cette perle précieuse qui brille d'un si doux éclat sur l'écrin de la catholique et malheureuse Espagne, ne devait pas rester plus longtemps dans l'oubli parmi nous. Il fallait qu'elle servît de parure à l'ordre séraphique, si heureusement ressuscité dans notre patrie, et que cette humble fleur répandit autour de nous ses délicieux parfums, pour attirer vers elle tous ceux qui veulent courir à la recherche des suaves odeurs de la vertu. Elle naît de parents chrétiens, estimables bourgeois de la petite ville d'Agreda, sur les confins de l'Aragon et de la Nouvelle-Castille. Son corps est frêle, sa santé est délicate, son enfance maladive est minée par des fièvres ardentes, la mort semble l'avoir marquée de son sceau, comme un être chétif qui n'est pas né viable, et qui se consume dans une invincible langueur. Elle n'a rien de ce premier âge si vif, si impétueux, si gai, si insoucieux de la vie qui déborde en lui de toutes parts. Elle est timide à l'excès. La mélancolie, la tristesse, trop souvent funeste compagne d'un autre âge, semble l'étreindre et couvrir d'un nuage épais son intelligence engourdie. C'est une existence à part, étrange, qui n'a rien emprunté à la vie ordinaire, et qui présage ou une fin précoce, ou une destinée surnaturelle et merveilleuse. Une mort prématurée ne devait point l'atteindre, elle devait vivre longtemps, au contraire, et, sous l'enveloppe fragile d'un corps sans vigueur, Dieu tenait en réserve une âme énergique, un cœur d'héroïne capable de tous les sacrifices, une intelligence de premier ordre, une femme forte dans la pratique de toutes les vertus, qui devait manifester en elle les prodiges de la puissance divine, et condamner, par l'innocence et la pureté angélique de sa vie, les passions désordonnées et les vices d'un siècle et d'un peuple corrompu. Bien jeune encore, elle donne l'exemple d'une piété sans égale et tellement sympathique, qu'à l'âge de 15 ans, dévorée du désir de se consacrer à la vie religieuse, elle entraîne à sa suite sa mère et sa sœur, qui se vouent avec elle aux austérités du cloître, dans la maison paternelle, qu'on voit devenir l'autel mystérieux où ces trois courageuses victimes viendront s'immoler à la fois, et comme si ce n'était pas assez de cette triple immolation. Son père et son frère suivent sur le champ le même exemple, et renonçant à jamais à tous les biens temporels et à leur patrie, ils vont s'enfermer ensemble dans un humble couvent franciscain, de la province de Burgos. Cette faible jeune fille qui, semblable à une fleur privée de nourriture, paraissait s'étioler dans une vie monotone et inactive, qui, comme un fragile roseau, semblait affaissée sous le poids de sa propre existence, préludait de la sorte à cette vie religieuse, que le monde dédaigne, qu'il considère comme un refuge de l'apathie et de la paresse, où l'on jouit de la paix sans combat, du repos sans travail, du bonheur sans effort pour l'atteindre. Mais qui est en effet la vie des courageux et des forts, le champ de bataille où l'on ne triomphe qu'à condition d'avoir incessamment les armes spirituelles à la main, où la paix n'est jamais que la conquête de la victoire, où le repos n'est que le fruit des labeurs de l'âme et du corps, où le bonheur n'est que la récompense des assauts sans relâche livrés à des ennemis nombreux et puissants, à l'orgueil, à la cupidité, à la sensualité, aux passions du dehors, aux passions du dedans, et surtout à cet ennemi opiniâtre qui renaît sans cesse, qui ne meurt jamais, l'indomptable égoïsme et l'amour immodéré de soi-même. Dès ses premiers pas dans la carrière, les luttes de la pauvre Marie commencent contre l'esprit tentateur, contre cet ange rebelle que l'orgueil a précipité dans l'abîme, et qui, devinant la perfection future de cet ange de la terre, s'efforce de l'entraîner sur ses pas, jaloux de la vertu qui l'humilie, qui lui rappelle sa noblesse originelle, sa défaite et sa honte. Qui dira les combats de cette jeune athlète, en apparence si faible, si dépourvue d'énergie et de force de résistance? Frêle nacelle lancée sur un océan soulevé par mille tempêtes, comment pourra-t-elle se soustraire au danger du naufrage? Nous la voyons, durant tout le cours de sa vie, soumise à des épreuves cruelles et incessantes, apparition du démon sous des formes hideuses, Visions horribles, terribles menaces de l'enfer conjuré, jalousie de ses compagnes, délation de ses sœurs, humiliation, mépris de la part de celles qui l'entourent, souffrance inouïe, douleurs intolérables du corps, absence du Dieu qu'elle aime, délaissement, abandon, poignantes inquiétudes, tristesse sans consolation, épreuve à l'intérieur, épreuve à l'extérieur, épreuve de la part de l'ennemi du salut, épreuve du côté du Créateur, épreuve de la part des créatures. Qui la secourra? Qui la soutiendra? Qui la fortifiera? Qui lui donnera la victoire? En s'immolant à Dieu dans la vie religieuse, n'a-t-elle pas escompté les honneurs du triomphe? Armée du bouclier de la foi, couverte du casque du salut, c'est sous ce double signe qu'elle sort victorieuse des combats. Le Dieu qui commande au vent et aux tempêtes soutient la nacelle au-dessus des flots, et sa main toute puissante la dirige et la fait voguer heureusement vers le port. Mais ce casque qui la couvrait et renvoyait les traits de l'ennemi, ce bouclier qui armait son bras et contre lequel venaient s'émousser les flèches empoisonnées de l'enfer, n'était que des armes défensives, elle tenait à la main, dans le combat, une arme offensive puissante et irrésistible, le glaive acéré de la mortification des sens. On frémit à la pensée des saintes cruautés exercées par Marie sur son corps délicat, déjà épuisé par la langueur et consumé par le feu de l'amour divin, dont les flammes embrasaient son âme. Pour nourriture quelques légumes, un pain trempé de larmes, un cilice aigu sur la chair, des disciplines longues et sanglantes, une croix armée de pointes sur la poitrine. De longues prostrations durant lesquelles ses genoux pesaient sur un sol dur inégal, tandis que ses bras reproduisaient l'image du Dieu crucifié, et, pour réparer ses forces abattues, 2 heures à peine de sommeil et de repos. Telles étaient ses armes journalières, les armes avec lesquelles une faible jeune fille condamnée à une fuite honteuse des légions innombrables d'ennemis acharnés. L'homme animal, qui n'a pas la perception des choses de Dieu, s'étonne d'une pénitence si rigoureuse dans une vie pure et innocente. Il tourne en ridicule cet esprit de mortification, il le méprise et s'en indigne. Hélas, il ne le comprend pas, il ne saurait le comprendre. Livré aux convoitises de la chair, à l'abrutissement des vices, il ne voit rien au-delà de la satisfaction des sens. Son âme matérialisée par les jouissances charnelles s'irrite de tout ce qui crucifie, de tout ce qui fait souffrir, de tout ce qui est pénible à la nature. L'homme spirituel, au contraire, qui a l'intelligence du mystère de la croix, a appris et comprend que la voie sûre est la voie du calvaire, que ce n'est que par le feu que le métal se purifie et devient un or pur. Que c'est par la trituration de la pénitence que le chrétien, se fromant de Dieu, devient un pain mystique digne d'être offert à son autel, que, voyageur sur cette terre, il faut qu'il dépose au pied de la montagne sainte pour en atteindre le sommet, ce qu'il y a de pesant et de lourd dans ses bagages, la chair et ses grossières voluptés, le fardeau des passions et des vices. Que le Dieu rédempteur s'est constitué l'époux de l'âme rachetée, mais que cet époux est l'époux du sang, que ceux enfin que Dieu a prédestinés doivent devenir conformes à l'image de son Fils, et que ce Fils a enduré les horribles tourments de la passion, les souffrances infinies de la croix conforme. Dieu, sans doute, n'appelle pas au même degré de mortification et de pénitence tous ceux qu'il a marqués du sceau de la prédestination. La mortification des uns diffère de la mortification des autres comme la lumière d'une étoile diffère de la lumière d'une autre étoile. Mais la sensualité a beau murmurer et se plaindre, la pénitence est la porte étroite du ciel. Il faut y entrer par cette porte étroite, ou s'en exclure à jamais. Quant aux âmes privilégiées que le Seigneur appelle à la plus haute perfection, quant aux âmes surtout qu'il lui plaît d'établir dans l'état surnaturel le plus élevé, celui des révélations divines et des visions extatiques, elles savent bien que la chair est un obstacle à l'abondance des affluences célestes, que le corps doit être châtié comme l'esclave rebelle, qu'il faut l'anéantir, pour ainsi dire, et en quelque sorte le spiritualiser, afin que le vol de l'esprit soit plus libre, qu'il s'élance sans entrave vers les régions infinies, et qu'il puisse contempler Dieu face à face dans la plénitude de son être et dans la profondeur de ses incommensurables perfections. Ainsi s'expliquent les pieuses cruautés de Marie d'Agreda. Dieu, qui l'a destiné à écrire l'histoire mystique de la mère de son adorable fils, qui voulait lui donner une claire connaissance des conseils éternels qui avaient préparé la rédemption du monde, qui voulait en quelque sorte la faire assister aux délibérations divines des trois personnes de l'auguste et incompréhensible Trinité, devait rendre pur comme fort, limpide comme le cristal, cette nature d'origine terrestre et souillée, la transformer, en faire presque une nature angélique et céleste, pour qu'elle fût un instrument proportionné à ses desseins et digne de sa sagesse et de sa grandeur. Dès l'âge de 18 ans, elle a des révélations et des visions extatiques tellement fréquentes, que cet état surnaturel devient pour elle presque une habitude, et qu'il lui est impossible de le dissimuler aux yeux de ses compagnes. Le Seigneur, dit le père Samaniego, son historien, la ravissait, attirant à soi toute son âme, et laissant son corps sans aucun sentiment. Elle tombait étendue sur le sol, dit, d'après le même auteur, Monsieur Germain de Lavigne, qui vient de publier un ouvrage intitulé « La sœur Marie d'Agreda et Philippe IV, insensible aux plus rudes traitements, immobile comme si elle eût été privée de vie. Elle était naturellement belle, l'extase la rendait plus belle encore. Son visage, qui avait cette teinte brune des femmes du midi, devenait d'une blancheur lumineuse, son corps se soulevait un peu au-dessus du sol, dans une pose si modeste et si dévote, qu'on eût dit un séraphin sous une forme humaine, et dans cet état, il devenait aussi léger que s'il n'eût eu aucun poids naturel, de telle sorte qu'un souffle le remuait, même d'assez loin, comme une légère plume. Dans une de ses visions les plus extraordinaires, elle fut transportée dans le Nouveau-Mexique, dont elle n'avait jamais pu connaître même le nom. Y fut-elle transportée en esprit ou en corps, je l'ignore, Dieu le sait, pourrait-elle dire avec saint Paul, mais ce fut probablement en son corps. Elle vit clairement les Indiens de cette contrée, leurs costumes, leurs usages, leurs mœurs. Elle y distinguait la température et ses variations, la culture et les produits du sol. La topographie de ce pays lointain ne lui était pas plus étrangère que la topographie de son pays natal. Plus tard, des missionnaires franciscains allèrent évangéliser ces peuples, ils les trouvèrent catéchisés d'avance, et lorsque ces missionnaires leur demandèrent par qui ils avaient été instruits, ils répondirent que c'était par une femme. Puis le portrait de Marie d'Agreda leur ayant été montré, ils la reconnurent aussitôt, et affirmèrent que cette humble religieuse avait été leur apôtre. Ainsi se justifie le zèle et la tendre affection qu'elle conserva toute sa vie pour les peuples de ce nouveau monde. Nous n'entrerons pas dans le détail des visions extatiques de la vénérable mère. On les retrouvera dans l'histoire de sa vie, dont les dernières années surtout ne furent qu'une continuelle extase. Nous ne reproduirons pas les preuves nombreuses et irrécusables sur lesquelles s'appuie l'existence de ces mystérieuses visions. La vie de Marie d'Agreda n'a point été écrite pour le sceptique qui doute de tout, pour l'incrédule qui nie tout, pour l'impie qui blasphème tout, ni même pour le chrétien indifférent que rien ne touche. Bien que les uns et les autres puissent y trouver le remède nécessaire à leurs maux, Mais pour les âmes fidèles et pieuses qui savent et qui croient avec certitude que rien n'est impossible à Dieu, qu'il peut, quand il lui plaît, élever les humbles, éclairer les ignorants, et verser dans leur intelligence les splendeurs de son inaccessible lumière, pour leur manifester et leur faire contempler des mystères qu'il n'est donné à aucun esprit créé de comprendre, à aucun langage humain d'exprimer. C'est à cette divine source que Marie d'Agreda puisa la science profonde dont elle fut remplie, et qu'elle n'avait pu recueillir dans aucune école de la terre. À l'âge de 35 ans, dans une de ses visions extatiques, elle reçoit du ciel l'ordre d'écrire l'histoire de la Mère de Dieu. Son humilité décline longtemps cet honneur, dont elle se jugeait indigne. Elle cherche à se soustraire à cette mission, qu'elle se croyait impropre à remplir, par un sentiment profond de son ignorance, mais la volonté du Seigneur se manifestant de manière à ne lui laisser aucun doute, elle obéit comme une fille soumise, et elle écrit cet admirable livre de la cité mystique, où la main du Dieu de toute science semble avoir elle-même dirigé la plume de l'écrivain. L'inspiration divine s'y fait sentir à chaque page. En le lisant, on demeure persuadé que ce n'est que dans les régions célestes, où elle était ravie dans ses extases, qu'elle a pu recueillir la connaissance des plus sublimes mystères, la révélation des adorables et ineffables desseins du Très-Haut sur l'Auguste Marie. C'est sous la dictée de la Mère de Jésus-Christ qu'elle retrace l'histoire de sa vie mortelle et des incompréhensibles faveurs dont elle fut privilégiée, en sorte que cet ouvrage, tombé de la plume d'une pauvre fille sans science acquise, et vivant dans l'obscurité d'un cloître, est peut-être le livre le plus extraordinaire et le plus étonnant qui soit sorti de la main d'une créature humaine. L'auteur y aborde sans hésitation les mystères les plus élevés de la religion chrétienne et les expose avec une rare clarté. Elle y développe sans embarras et avec une prodigieuse facilité le dogme catholique et les passages les plus ardus des livres saints. La chronologie sacrée lui est aussi familière qu'au plus éminent docteur. Elle y révèle les voies les plus secrètes de la divine providence, théologie savante, sublime philosophie, connaissance étendue des sciences naturelles, éloquence persuasive, tout s'y trouve réuni, jusqu'à la netteté, la correction, l'élévation, la vigueur et l'élégance du style. Tout concourt à en faire un livre admirable et digne de celui qui l'a inspiré. Telle fut Marie d'Agreda, cette pieuse recluse, si peu connue de la terre, et pourtant si digne de l'être. Telle fut cette âme d'élite que Dieu favorisa de grâce si extraordinaire, qui fut honorée des communications intimes de la divinité, qui vécut pour ainsi dire dans la familiarité de la Reine du Ciel, et dont un monarque d'Espagne, Philippe IV, rechercha avidement les conseils, que malheureusement il ne sut pas mettre en pratique, conseils admirables et remplis de sagesse, consignés dans de nombreuses lettres, qui furent respectueusement conservés par son royal correspondant. L'histoire de la vie de la Vénérable Mère Marie d'Agreda a été écrite en langue espagnole, par le révérend Père Samaniego, religieux de l'ordre de Saint-François, est traduite en français par un autre religieux du même ordre. C'est cette traduction, jugée fidèle et conforme à l'original par des savants versés dans la connaissance des deux langues, dont on offre une nouvelle édition aux lecteurs chrétiens. Il était indispensable, en la conservant dans son ensemble, d'y apporter quelques corrections. Publiée à une époque où la langue française n'avait pas encore atteint toute sa perfection, on y trouve des mots surannés, des expressions qui ont vieilli et dont nos bons écrivains ont rejeté l'usage, des tournures de phrases aujourd'hui inusitées, quelques phrases même devenues tout à fait incorrectes. Ce sont là de légères tâches qu'il fallait faire disparaître. Mais il était nécessaire de n'y point introduire d'autres modifications, sous le spécieux prétexte d'un perfectionnement imaginaire. Le style du traducteur est simple, noble, plein de piété et d'onction, comme il convient à l'histoire d'une pareille vie. Le refondre, c'eût été s'exposer à en altérer le caractère et à lui enlever quelque chose de ce parfum d'édification qu'il répand dans l'âme du lecteur. Quelque merveilleuse que soit cette vie, on se convaincra sans peine, en la méditant, qu'elle fait naître dans l'âme d'autres sentiments que celui d'une admiration stérile. Il s'y trouve sans doute beaucoup de choses à admirer, mais il y en a bien plus encore à imiter, et c'est là le principal fruit à retirer des exemples que donnent au monde les serviteurs de Dieu, car, dans les desseins de la Providence, leur vertu ne brille d'un vif éclat que pour que leurs rayons nous pénètrent de leur lumière, elles n'exhalent de si suaves odeurs que pour nous entraîner plus facilement et plus sûrement à leur suite. Paris, 25 avril 1856, Rousseau de la Garde. Bibliothèque franciscaine, vie de la Vénérable Mère, Marie de Jésus, abbesse du monastère de l'Immaculée Conception de la ville d'Agreda, de l'Ordre de Saint-François, par le révérend Père Joseph Ximénez Samaniego, général de cet ordre et ensuite évêque de Placentia, traduite de l'espagnol par le révérend Père Crozet, franciscain, Paris, librairie de Madame Veuve Poussiel Gerouzan 23 rue Saint-Sulpice 1857, markemdanarchive.org, d'après Gallica BNF FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.